Chapitre 4. Il y avait 2 heures que François avait senti ses doigts crispés de l'assassine glisser dans ses doigts à lui, tremblant et affolé. Ce revolver, outil de meurtre, tout chaud encore d'une étreinte fiévreuse, 2 heures que Madame Nutsved s'était enfermée dans la cabine de bain. Le jeune homme avait dressé par devant un amas d'engins de pêche. Il avait retiré la clé de cette porte et laissé au contraire sur la porte du pavillon la clé au dehors, après avoir donné un double tour. Pour peu que la recherche se fît hâtivement, les policiers devaient raisonner ainsi. Ce kiosque est fermé du dehors, l'assassin n'est donc pas là. Comment aurait-il soupçonné la complicité que ce détail supposait? S'ils entraient, un raisonnement analogue leur ferait négliger l'examen de la cabine. Quelle terrible preuve contre François, en revanche, si une perquisition plus minutieuse découvrait ses ruses. Il n'y avait même pas pensé. Et tout avait été exécuté si vite qu'il était arrivé à temps pour rencontrer les 4 policiers de Thun à mi-chemin entre la grille du parc et le château. « Nous savons le malheur qui vous est arrivé, monsieur de Besset, » avait répondu à ses premières explications le chef de l'escouade. « Vous aussi, vous avez été une victime de ces brigands. Vous devez donc comprendre, mieux que personne, qu'il faut à tout prix faire des exemples. Cette femme est dans ce coin du lac. Nous devons tout fouiller, c'est notre consigne. Cependant, puisque madame votre mère est si malade, nous n'entrerons pas dans la chambre où elle se trouvera. Nous sommes bien sûrs que l'assassin n'y sera pas. C'est tout ce que nous avons le droit de vous accorder. » Quel moment le fils avait passé après cette réponse, on le devine. Il avait décidé de rester auprès de madame de Besset, dans la bibliothèque. Il avait proposé, comme cela lui arrivait quelquefois, de jouer aux cartes, par terreur qu'elle n'eût l'idée d'une promenade dans le parc ou qu'une fantaisie ne la fît entrer dans une autre pièce du château. Elle avait accepté. Il avait eu l'énergie de suivre le détail d'une partie de Bézigue, le cœur étouffé à chaque bruit venu de la maison d'abord. Ça avait été pire ensuite, quand il avait compris que les agents fouillaient les massifs du dehors, mais rien. Grâce à l'épaisseur des murs, et sans doute aussi à la diligence du fidèle Pierre, aucun écho de la visite intérieure n'avait troublé le calme de la bibliothèque. Aucune rumeur n'était venue par les fenêtres ouvertes, sinon la palpitation du feuillage des grands arbres par-delà les volets hermétiquement clos. La partie de Bézigue avait fini. Madame de Besset était remontée dans sa chambre. D'ordinaire, François s'opposait à ses retraites d'avant 11 heures. Il savait trop qu'elles avaient pour conséquence un réveil vers minuit. Alors, pour exorciser les tristesses de son insomnie, la malade avait recours à ces stupéfiants dont les médecins avaient signalé le danger. Ce soir-ci, le fils aurait volontiers versé à sa mère la potion de chloral, moins dangereuse que la secousse dont l'eussent bouleversé des cris de détresse, perçant soudain la nuit. Il les avait épiés, ces cris, avec une anxiété poignante, tout en prononçant les formules banales de jeu. Les 100 d'as, les 80 de roi, les 250. Il avait cru par instant les entendre, mais non. Et puis, à peine seul, il avait vu entrer le domestique qui lui avait annoncé une issue plus complètement heureuse qu'il n'eût même osé la désirer. Après avoir fouillé la maison et battu le parc, les policiers s'étaient retirés. Ils allaient en hâte prendre le dernier train que l'on avait fait attendre pour eux en gare de Thun. Un express était venu leur annoncer une nouvelle piste. « Ce sont les voyageurs qui n'ont pas dû être contents de ce retard », avait conclu Pierre philosophiquement. « On se fâche souvent de ce qui est pourtant votre intérêt. Et nous avons tous intérêt que l'on abatte un chien enragé. » « Il paraît que cette femme a été vue à Münzingen. On se sera trompé dans le renseignement d'ici. » « N'était madame, je le regrette. J'aurais trouvé cela juste, qu'une de ces abominables anarchistes russes vint se faire prendre au piège dans la maison de mon commandant. J'aurais eu comme l'idée qu'il est enfin vengé. » Ces quelques mots de l'ex-ordonnance étaient bien simples. Ils étaient trop dans la logique de ses idées et de ses sentiments. Ils produisirent cependant sur François un tel effet de bouleversement qu'il demeura longtemps immobile, une fois parti celui qui les avait prononcés, comme si le fantôme de son père se fût tout d'un coup dressé devant lui, avec la pauvre chair en lambeaux que la bombe de Moscou avait laissée à la piété d'un fils et d'une veuve. Depuis la minute où il avait aperçu la silhouette de Madame Nutsved dans l'allée du parc, et deviné son identité par une de ses infaillibles intuitions, comment n'ont les cœurs vraiment dévoués, il n'avait plus eu qu'une pensée, écarter de sa mère un péril dont l'imminence l'avait littéralement affolé. Ça avait été un de ces accès où une seule réalité existe pour l'homme possédé par la phobie, la chose qu'il craint. Cette menace, une fois écartée, nous nous réveillons de cette possession. le plan intérieur de notre conscience se reconstitue. Nous retrouvons l'intégrité de nos facultés et nous demeurons presque aussi étonnés de nous-mêmes qu'un épileptique après une crise d'impulsion irrésistible. Les agents de police étaient partis sans avoir découvert la présence de la meurtrière. Madame de Bessay ne courait plus aucun danger. La frénésie de cet après-midi, de ces deux dernières heures surtout, était dissipée. La situation apparaissait au jeune homme dans sa vérité. La remarque du domestique avait suffi pour en préciser la double misère. Lui, François de Bessay, le fils du commandant de Bessay, d'un innocent assassiné par les révolutionnaires russes, il venait de donner asile à un de ces révolutionnaires. Lui, François de Bessay, le fils croyant d'une mère pieuse et pour qui une mauvaise pensée, la plus passagère, était une occasion de scrupule, lui qui se confessait d'avoir seulement commis une négligence dans ses devoirs, parlé vivement à un serviteur, éprouvé trop de plaisir à un repas, il avait aidé un assassin à tromper la justice. Un chien enragé, comme avait dit brutalement mais exactement Pierre, à s'échapper. Et les images affluaient dans son cerveau, lui montraient est-ce qu'il avait fait, est-ce qu'il allait faire, avec une netteté presque concrète qui le paralysait de remords. Ce Stellinkers que cette femme a tué, se disait-il, a peut-être un fils. Que penserait de moi ce fils s'il savait cela? Qu'aurais-je pensé, moi, de celui qui aurait caché l'assassin de mon père? Que penserais-je de quelqu'un dont j'apprendrais que, connaissant l'auteur d'un vol, il ne l'a pas dénoncé? Et qu'est-ce qu'un vol à côté d'un meurtre? J'avais tant de moyens d'empêcher que ma mère ne s'aperçût de rien. Faire fermer les portes de la maison, dire à Pierre qu'il alla tout de suite avertir les agents que cette femme était dans notre parc. Ils venaient, elle les voyait s'approcher, elle fuyait, où? Loin de la maison, naturellement. S'il y avait des coups de pistolet, c'était à distance. Nous parlions à maman d'une rixe sur la route. Ces possibilités chimériques devenaient des certitudes pour cet esprit délivré de son cauchemar de tout à l'heure, qu'une autre crise allait saisir, moins imaginaire et plus poignante encore. À une minute, ses visions rétrospectives furent si intolérables qu'il secoua sa tête d'un mouvement de révolte comme pour les chasser. Il pressa ses mains sur ses yeux, et marchant dans la chambre, il dit à voix haute « Je ne suis qu'un enfant ». Puis, ses idées s'aiguillant sur une autre direction « Oui », se prit-il à répéter mentalement, « qu'un enfant ». Il est trop tard pour penser à tout cela. Cette femme est encore ici, elle ne doit pas y rester. Je lui ai engagé ma parole, voilà le fait. Une parole ne se discute pas, me disait toujours mon père, elle se tient. J'ai promis à cette femme que je ferai tout ce qui serait en mon pouvoir pour la sauver. J'ai commencé, je dois finir. De nouveau, il se répéta ces mots tout haut, je dois finir. Et ils se traduisirent dans le sens d'action immédiate et précise. Cela signifie, songea-t-il, que je dois lui demander à elle-même comment elle entend quitter Storkon et la protéger contre ce départ. Oui, la protéger. Il le faut. Pierre a parlé d'un ton qui m'a prouvé comment il la traiterait s'il savait sa présence. La première chose est donc de me débarrasser de lui d'abord. Je vais envoyer tous les domestiques se coucher. À plusieurs reprises, il lui était arrivé de rester ainsi à lire et à écrire seul, tard dans la nuit, dans la bibliothèque. Sa veillée ne pouvait donc provoquer aucun soupçon. Quand il eut sonné et rendu aux gens la liberté de se retirer, il demeura un certain temps à écouter le bruit des pas dans l'escalier et des portes refermées. Ce fut alors, et dans cette attente, qu'une nouvelle idée commença de pointer dans sa réflexion. Elle n'eut qu'à y apparaître pour tout envahir. Elle correspondait à des éléments trop profonds de sa nature et de son éducation. « Oui, j'ai engagé ma parole. Mais la parole donnée, est-ce que cela compte avec des êtres qui se sont mis eux-mêmes hors la loi ? Alors, si cette femme m'avait fait promettre, sur l'honneur, de l'aider à retrouver ce Gorka qu'elle a cru tuer, et qu'elle a été certainement chargée d'exécuter, comme ils disent, par un de leurs comités d'assassins, je devrais le lui livrer ? Évidemment non. Un homme ne peut pas promettre sur l'honneur d'agir contre l'honneur. Une fois sortie d'ici, grâce à moi, supposons qu'elle rejoigne un de ses camarades de crime, qu'elle dépiste les recherches et qu'elle recommence, qu'elle le tue, ce Gorka, tout simplement. J'aurai ce sang sur les mains. Je serai vraiment son complice. Je n'ai pas pu promettre cela sur l'honneur. Je ne l'ai pas promis. J'ai eu un instant d'aberration. J'y vois clair dans mon devoir. Mon devoir est de réparer ma faiblesse d'il y a 2 heures. Une faiblesse, non. J'accomplis un premier devoir, celui d'épargner à ma mère une secousse qui risquait d'être fatale. Ce devoir primait tout. Ma mère repose. Elle ne se réveillera pas. Je suis libre pour l'autre devoir, celui d'abattre le chien enragé. Je la tiens là, sous clé, la mauvaise bête. J'appelle Pierre, je lui dis tout. À nous deux, nous allons là-bas. Elle n'a plus d'armes, nous la lions. Il la garde, pendant que je cours à Thun avertir les gendarmes. Il y en a pour une heure et c'est fini. Il éprouva un tel soulagement à la pensée de son remords de tout à l'heure exorcisé à jamais, que l'exécution suivit le projet presque automatiquement. Sortir de la bibliothèque, monter l'escalier, arriver à la porte de la chambre où dormait le domestique, fut l'affaire de quelques minutes. Là, au lieu de frapper, il s'arrêta. Le silence du château endormi était si profond qu'il entendait son cœur sauter à coups redoublés dans sa poitrine. À voix basse, comme s'il lui fallait absolument parler son émotion trop forte, il répéta : « Non, je ne peux pas. Cette femme me mépriserait et elle en aurait le droit. »